Alors, trèfle de plaisanterie, comme dira un lapin dans un carré de luzerne. N'anticipons pas, comme disait Mathusalem à qui l'on parlait de la retraite des vieux. Ma sœur a fait un beau mariage. Il y avait toute la chorale de la paroisse. Il y avait Mademoiselle Le Lambec, la responsable de la chorale. C'est Mademoiselle Le Lambec. C'est le genre de vieille fille un peu acariâtre. Vous savez, il doit y en avoir dans votre paroisse. C'est l'éternel chapeau noir, avec des cerises dessus. Des cerises qui mûrissent jamais. Parce que de temps en temps, il y en a une qui tombe, puis elle voit la tête de la Mademoiselle Le Lambec, paf, alors... Ça la fait reverdir. Vous savez, Mademoiselle Le Lambec, elle a le visage émacié. Une tête à manger des gâteaux secs. Il y avait Mademoiselle Procule, la responsable de l'harmonium. Monsieur l'abbé, il a mis Mademoiselle Procule à l'harmonium parce qu'elle a de l'oreille. Et vraiment, ça, il vaut mieux quand on est, hein? Pour pianoter, il vaut mieux avoir de l'oreille. Et elle, elle a de l'oreille. C'est même plus de l'oreille, elle, c'est des... Des feuilles de chou, voyez-vous. Elle, quand elle est au spectacle, elle dit « Parlez moins fort !» C'est plus des oreilles, c'est des aérofreins. Elle pourrait être engagée pour les caravelles, vous savez. Parce qu'elle, quand elle est en deux chevaux, Mademoiselle Procule, elle n'a pas besoin de freiner. Elle lève la tête au-dessus de la capote. Quand elle est en vélo, puis qu'il y a un peu de vent sud-ouest, elle est paumée, là. Il y a Mademoiselle Procule, avec son neveu, parce que moi, je vivais avec ma sœur avant qu'elle se marie, mais Mademoiselle Procule, elle, elle vit avec son neveu. Qui a été réformé. Et quand on lui demande pourquoi vous avez été réformé, j'ose pas vous le dire. Vous voulez que je vous dise pourquoi j'ai été réformé? Ça se passe, c'est gênant. Vous voyez, jeune fille? Je suis gaucher. Il y avait Monsieur Chalamand. Alors, Monsieur Chalamand, vous savez, c'est le personnage, le crâne chauve. Belle présentation. Un peu omnipotent. Très peu, juste ce qu'il faut pour avoir une belle prestance. Il est sous-chef de rayon au grand magasin. Il a un Solex, tout. Avec des stylos à la pochette. C'est pas un imbécile. La preuve, c'est qu'il le dit lui-même. Donc, c'est vrai. Il y avait aussi Madame Chalamand. Et on juge les dames sur leurs bijoux. Et elle, elle est tout de suite cataloguée. Parce que pour avoir des bijoux, elle en a. Et ça se voit. Elle a des gros colliers, des grosses boucles d'oreilles qui pendent, là. Avec un vert émeraude. Style pré-unique, vous savez, je veux pas jouer les bêtes. C'est beaucoup de classe. Vous savez, des grosses boucles d'oreilles, des bracelets, c'est gros, ça pend de tous les côtés. Hein. Quand je la vois arriver à la messe de 10h avec ses grosses boucles d'oreilles qui pendent, j'ai dit tout à l'heure, quand elle est dans cette allée centrale, si ça s'emballe d'un côté ou de l'autre, c'est ce que c'est la force centrifuge. Si elle s'entrave un peu, qu'il y a un gars qui se lève à ce moment-là, paf! Il reçoit une boucle d'oreille sur le front, il s'assoit, il reste jusqu'au vêpre. Ma sœur s'est mariée en blanc. Bisque, bisque, bisque. C'est Madame Chalamand qui lui a prêté sa robe de mariée avec laquelle elle s'était mariée en 1936. Et au contraire, ça faisait même plus chic qu'en 1936, parce que la couronne faite de tissu blanc pour faire les petites fleurs, avec le temps, puisqu'elle s'était mariée en 1936, Madame Chalamont, avec le temps, ça avait jauni. Alors ça faisait fleur d'oranger. C'était très chic. Elle lui a tout prêté. Les gants, les chaussures, le sac, tout, tout. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas d'anglais parmi vous. Parce que je voudrais pas commettre d'impair. Je dis ça parce que vous allez voir, je vais critiquer les Anglais. Vous avez vu le mariage de la duchesse de Kent? Soi-disant que c'était en grande pompe. Moi, j'ai pas trouvé que c'était en grande pompe. Vous l'avez-vous? Oui ou non? Ma sœur, elle s'est mariée en grande pompe. On peut dire qu'elle était... Ça, pour être en grande pompe, elle était en grande pompe. Parce que Madame Chalamont, elle chausse du 46... Et ma sœur, elle fait du 39. Alors, elle était vraiment en grande pompe. Mais mon beau-frère, qui n'est pas un imbécile, qui est inspecteur des platanes, intelligent comme il est, pour lui coincer les nougats dans ses grandes pompes, il lui a mis un François devant et un petit écho de la mode derrière. Tout s'est très bien passé. Oh, il y a une petite anecdote tellement bénigne que je ne sais pas si je vais vous la narrer. C'est très bénin. Bénin. Vous savez qu'à l'église catholique, quand on se marie... Parce que ma sœur s'est mariée à l'église catholique. Quand on est catholique, vaut mieux se marier chez les catholiques. Les autres religions, vous attirent des ennuis, on n'en sort pas. Et on a toujours le même Dieu, mais eux, c'est pas les mêmes formules, vous voyez. Alors, il y a des gars qui font 200 km en voiture pour venir voir les jeunes mariés, mais les jeunes mariés, ils leur plantent le dos. Ils pourraient se tourner, non. Alors, après la bénédiction nuptiale, vous savez, le prêtre, il est là, il me spirit tout haut, et de... On comprend pas un mot de ce qu'ils disent. Et je crois que c'est étudié pour, d'ailleurs. Imaginez deux secondes qu'ils le disent en français. Alors vous allez prendre cette femme pour épouse, et toute votre vie, toujours, constamment, la nuit et le jour, tous les mois, toutes les semaines, tout le temps, toujours, tout le temps, vous aurez cette femme constamment. De temps en temps, j'aurai pas le droit de... Non, jamais! Toujours, vous aurez cette femme! J'aurai pas le droit à un petit chouïa, pas de chouïa! Alors, laissez-moi vous dire qu'on partira en courant. Hein. On rattraperait Jazzy. Et on pourrait gagner France-Russe. Ma sœur, en se tournant, on sait pas si c'est la faute à François ou au petit écho de la mode. En se tournant, qu'elle s'est entravée. Mon beau-frère a voulu la rattraper. Tous les deux, ils sont tombés sur Madame Chalamont, qui s'est renversée sur tous les invités qui étaient là, les quatre fers en l'air. Affreux! Un vrai dessin de Bélus. Mademoiselle Lelombec, qui était à côté de l'harmonium, elle était en train de chanter un requiem joyeux. Parce qu'il y a un soufflet de l'harmonium qui était crevé. Et Mademoiselle Procule, malgré qu'elle ait de l'oreille, elle pédalait dans le vide parce qu'elle est sourde comme un pot. Aussi, Mademoiselle Lelombec, elle s'époumonait pour que ma sœur puisse sortir de l'église avec la marche nuptiale de Mandinson. Aussi, elle était là. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Quand elle a vu ma sœur qui s'allongeait dans cette église. Non, vous marrez pas, je vous demanderai même une minute de silence. On n'est pas ici pour rigoler, s'il vous plaît. C'est affreux ce qui lui est arrivé à Mademoiselle Lelombec. Elle était là. La, la, la, la, la, la, la, quand elle a vu ma soeur qui s'allongeait, ça y a fait comme un coup. Elle s'est coincée le dentier dans la glotte. Elle était là. Je me disais aussi, comment ça se fait qu'elle garde la note si longtemps? Heureusement, Dieu soit loué, quoiqu'on était bien placé pour louer sa place. Derrière Mademoiselle Lelambet, qui avait le neveu à Mademoiselle Procure, il a passé un coup sur les miches. C'est la première fois que ça lui arrive. Ça fait que ça l'a dégagé. Et le dentier est revenu dans son orbite. Mon beau-frère dans cette église qui criait « Ma moumoute ! Ma moumoute !» Il a perdu sa perruque, ce pauvre malheureux. C'est un enfant de cœur. Il croyait que c'était un rat qui était crevé. Il est foutu dans le bénitier. Lui. Le zig dans cette église. Ma moumoute! Dites-donc, vous n'auriez pas vu une moumoute? Alors, on l'a sorti du bénitier. On l'a essoré. Il se l'a refoutu sur la tronche. Et en sortant de l'église, il a dit, ben comme ça, je serai béni pour un bon moment. Le mariage de ma sœur était très chic.